C'est pas un crime, c'est par amour. Je la mets dans le cœur pour moins d'un lourd. On descend pas de l'armée de la tour. Fais les trois singes au comico. Bye bye, bye bye, bang. Mon train de vie fait parler les baltringues. Je me souviens plus de ton nom, mais juste ton parfum. Je vais joindre les deux bouts par le bas ou par le flingue. Par le bas ou par le fort, on porte les coups, tu portes plein. Bébé, pas ton temps, je préfère ma solia sous le doigt. Le coup du game est sous le bras. Y'a que les regrets qu'on pardonne. Tu m'as trahi, ça te coûtera. Que des euros par milliers, par pas bilingue, par billet. On va pas se priver, hey. On va pas se priver, hey. Étoile dans la race, à droite le canon, si yeah. Étoile dans la race, à droite le canon, si yeah. Chivante de la cesse, sa tartine Camario. Réfé de ma tête, dinero madre mia. Étoile dans la race. Jeunesse détail, jeunesse mitraille, je remercie Dieu, j'ai vu la faille. Je reviens d'Hawaï, je pars à Dubaï, 10 jours à Kej, t'es sur la paille. Millionnaire depuis longtemps, ce soir je dors pas sur le divan. Ma colombienne a perdu sang, son père s'est fait tuer devant. Hey, toi et moi, ça peut coller. Hors du barrio, des fois j'ai volé. Yo de 40, mais tu gardes ton voilier. Dolce Gabbana devrait bien t'aller. DZ pas correct, bang bang tu connais. Général de ma cité, tout le corps décoré. On a le bon modèle, le pare-balles perforé. Pas de pointe devant la tête, mais en prise de voler, voler. J'ai besoin d'un massage, tu sais qu'on a fait du sale. On s'appelle Drunk Dealer. J'ai fait le vide dans ma life, j'ai mon équipe de chacal. Yo soy tranquille. Oui de la même villa. On a tous acheté une belle villa. Oui de la même villa. On a tous acheté une étoile belle dans villa. La race, à droite le canon, si yeah. Étoile dans la race, à droite le canon, si yeah. Qui vend de la cesse, sa tartine Camario. Réfé de ma tête, dinero madre mia. Étoile dans la race, à droite le canon, si yeah. Étoile dans la race, à droite le canon, si yeah. De la cesse, sa tartine Camario. Réfé de ma tête, dinero madre mia.